Chapitre 12. Annaline. Ils passèrent cette seconde nuit à l'hôtel et le matin suivant, eux et leurs meubles prirent possession de leur nouvelle demeure. Jane, qui selon le proverbe mettait l'épaule à la charrue, ne manquait pas de besogne, car elle ne voulait pas engager de domestique. Elle attendrait, se disait-elle, et se contenterait d'une jeune fille qui viendrait l'aider quelques heures tous les jours. Dans le courant de la matinée, Jane aperçut la bonne et aimable figure de la quakeresse qui traversait le jardin. Elle portait une robe d'indienne lilas, un mouchoir blanc croisé autour du cou et la coiffe à large bord ondulé particulière aux femmes de sa secte. « Je suis venue te demander si je puis t'aider, » commença-t-elle. « Tu as bien à faire et ton mari n'a pas l'air fort. Je suis à ton service. »« Vous êtes bien bonne de vous occuper d'une étrangère, » répondit Jane, enchantée de la simple franchise de la quakeresse. « J'espère que vous me direz qui je dois remercier. Tu peux m'appeler Patience. Je demeure à la porte voisine avec Samuel Lane et sa fille Anna. Sa femme est morte à la naissance de l'enfant. J'étais parente d'Anna. Avant de s'en aller, elle me fit chercher et me priait de ne pas quitter son enfant, à moins que Samuel ne se remariât. Mais il n'a pas l'air d'y songer. Il aime beaucoup sa fille. Elle est la prunelle de ses yeux. Monsieur Lane est-il dans les affaires ? Pas pour son compte maintenant. Lorsqu'il était jeune, il était fabricant de gants, mais il n'avait pas beaucoup de capitaux. Et quand on a ouvert les ports de la Grande-Bretagne aux gants français, il a été ruiné, ainsi que beaucoup d'autres. Il n'y a eu que les riches patrons qui ont pu supporter cette crise. C'était, si je ne me trompe, en 1825. Je ne pourrais te décrire la détresse et la désolation de cette ville autrefois si florissante. Les manufacturiers fermaient leurs maisons et les ouvriers erraient dans les rues à moitié morts de faim. La détresse continua-t-elle longtemps ? Des semaines, des mois, des années. La ville ne se remettra jamais de ce coup. Samuel Lane était un homme intègre. Il abandonna les affaires après avoir réussi à payer tout ce qu'il devait et accepta le poste de directeur de la manufacture de Thomas Ashley. Thomas Ashley est un des premiers fabricants de l'endroit, comme son père l'a été avant lui. Quand tu connaîtras mieux la ville et les habitants, tu verras qu'il n'y a pas Helsinley d'homme plus considéré que Thomas Ashley. Je suppose qu'il est riche ? Oui, répondit Patience, qui s'occupait avec les mains tout autant qu'avec la langue. Sa maison est montée sur un grand pied. Il a deux équipages et il met de côté, dit-on. Mais ce n'est pas sa fortune qui le fait respecter, c'est son caractère. Il n'est pas d'homme plus juste, plus équitable que Thomas Ashley. Il n'y a pas de manufacturier aussi bon et aussi bienveillant envers ses ouvriers. Les gages qu'il leur paye sont considérables. Il a un fils et une fille. Le fils lui cause bien des soucis et des dépenses. Est-ce un jeune homme dissipé ? À quoi penses-tu ? Dit Patience en riant. Il est encore tout jeune. À l'âge de 14 mois, sa bonne l'a laissé tomber d'une fenêtre du premier étage. On crut d'abord qu'il ne s'était pas fait de mal. Marguerite Ashley et les docteurs le crurent aussi, mais, dans quelque temps après, le mal se déclara. Des abcès se sont formés les uns après les autres à la hanche. Il souffre souvent beaucoup. Et il restera boiteux toute sa vie. On l'a conduit à Londres, au bain de mer, mais rien n'y fait. De figure, c'est le plus joli garçon qu'il soit possible de voir, mais sa maladie le rend souvent irritable et maussade. Il aime l'étude, et David Byrne, un savant, lui donne tous les jours des leçons de grec et de latin, mais ses accès de souffrance le retardent beaucoup. C'est un grand chagrin pour Thomas et Marguerite Ashley. Ils sont... Comment ? Te voilà, Anna ? Que fais-tu ici ? Madame Halliburton se retourna de devant l'armoire de la cuisine qu'elle arrangeait avec patience et aperçut une petite fille, Anna Lane, sans doute. Elle avait de grands yeux bleu foncé, dont les longs cils ombraient sa joue à fossette, ses dents brillaient comme des perles entre ses lèvres souriantes, et ses cheveux bruns tombaient en une forêt de boucles autour de son cou. Jamais Madame Halliburton n'avait vu de figure aussi ravissante. Jenny était jolie, mais elle disparaissait devant cette apparition. « Tu as encore ôté ton bonnet, Anna ?» cria la quakeresse d'un ton sévère. « N'as-tu pas honte de ta hardiesse, sortir ainsi, tête nue ?»« Mon bonnet s'en est allé, patience, » répondit doucement Anna. « Ne viens pas me dire ce qui n'est pas. Quand ton bonnet est attaché, il ne s'en va pas, à moins qu'on ne l'ôte exprès. Retourne le mettre, tu pourras revenir après. » « Peut-être que Amy Halliburton te permettra de rester avec ses enfants qui arrangent si proprement leurs livres dans leur salle d'études. » « Sais-tu ta leçon de français ?»« Pas tout à fait, patience, » répondit Anna en s'en allant. Elle revint avec un petit bonnet blanc taillé sur le modèle de celui de patience. Ses magnifiques cheveux y étaient tous cachés, et le bord ondulé tombait sur son front. « Non, il n'est pas nécessaire de cacher ainsi tes cheveux, enfant, » dit Patience. « Où sont tes peignes ?»« Dans mes cheveux, Patience. » Patience ôta le bonnet, forma de chaque côté deux boucles plates et cacha le reste sous la coiffure. Puis Madame Halliburton prit Anna par la main et la conduisit vers ses enfants. « Que dommage de cacher ses cheveux, » dit-elle à Patience en revenant. « Tu trouves ?»« Notre peuple en a l'habitude. Ceux d'Anna sont très beaux et bouclent naturellement, quoi que j'y fasse. » Elle a pris l'habitude d'ôter son bonnet quand je ne la surveille pas. Son père, je regrette de le dire, la laisse des heures entières avec lui les cheveux épars, comme tu l'as vu tout à l'heure. Il n'a pas l'air de croire qu'elle puisse faire mal. Je le lui répète pourtant assez. Je n'ai jamais vu d'aussi jolie enfant, dit Jane avec enthousiasme. Je t'accorde qu'elle est jolie, mais elle a 11 ans, et il serait temps de mettre un frein à sa vanité. Elle est quelquefois invitée chez les Ashley. Elle voit Marie Ashley s'habiller à la mode du jour. Et cela lui donne l'envie d'en faire autant. Samuel Lynn ne m'écoute pas. Il est content que sa fille soit reçue comme l'égale de Marie Ashley. Il ne peut oublier le temps où il était lui-même chef de maison. Qu'est-ce qui donne des leçons à Anna? Elle suit une petite école pour les amis tenue par Ruth Darby. C'est le moment des vacances maintenant. Son père veut qu'elle soit instruite. Elle apprend le français, le dessin et les autres branches d'éducation convenables à une jeune fille. Prends garde, laisse-moi t'aider à porter cette lourde table. Elles allèrent ensuite voir comment se comportaient les petits travailleurs de la chambre d'études. Jane ne pouvait quitter des yeux la jolie Anna, et cette vue ne l'aidait pas à avancer son ouvrage. Jane avait rarement contemplé un spectacle pareil à celui qui s'offrait à sa vue le matin suivant, quand elle entr'ouvrait son rideau. Le jour précédent avait été brumeux, l'on n'avait rien pu distinguer. Ce matin-là, l'air était pur, l'étendue, les prés verts, le blé en herbe, les ruisseaux argentés, les bois aux mille teintes, les collines ondulées, tout charmait les yeux. Plus loin, bordant l'horizon, s'étendait la longue chaîne des célèbres collines de Malvern, aux nuances vertes et bleues, grises et roses, se détachant sur l'azur du ciel, et à la base desquelles étaient jetées éparses quelques blanches villas. « Edgar, s'écria-t-elle en se tournant vers le lit, as-tu jamais contemplé une vue pareille à celle que l'on a de cette fenêtre ?» Je suis sûr que les habitants de Londres n'en ont jamais rêvé de plus belle. » Il n'y eut pas de réponse. Peut-être est-il encore endormi, pensa-t-elle. Mais en se rapprochant du lit, elle vit qu'il avait les yeux ouverts. « Jane, murmura-t-il, je suis malade. » Un coup la frappa au cœur. « Malade ? » répéta-t-elle. « Tous mes membres me font mal, ma tête est lourde, je brûle. Je sentais le mal venir toute la nuit. » Elle toucha ses mains et son front, la fièvre le brûlait effectivement. « Nous allons appeler un docteur, » dit-elle en cachant son trouble. « Je prierai Patience de m'en indiquer un. »« Oui, viens en voir un tout de suite. Qu'allons-nous devenir si j'allais être malade ?»« Doucement, Edgar, ne te laisse pas aller à de sombres prévisions. Tu sais que le courage est la moitié de la guérison. C'est l'effet de l'humidité. » Patience recommanda vivement leur médecin habituel, M. Parry. Il vint et déclara que M. Halliburton était atteint d'une fièvre rhumatismale.